encore du karaoké. Donc, récemment, j'ai fait un enregistrement où je chantais des chansons du groupe grunge américain Nirvana. Et puis, il y a une personne qui m'a écrit en privé sur Facebook parce qu'elle trouvait que j'ai une voix qui ressemble à celle du chanteur du groupe américain de Smashing Pumpkins. Et puis, j'ai dit justement, dans mes loisirs, j'aime aussi chanter des chansons de ce groupe de musique alternative. Et suite à son commentaire, j'ai décidé à présent de faire un petit medley avec deux des chansons du groupe des Smashing Pumpkins. Donc, c'est des chansons tirées de leur album Melancholy and the Infinite Sadness. Donc, avec la chanson Tonight Tonight et Bullet with Butterfly Wings. C'est sûr que la petite mise en garde que je fais, c'est des chansons où je chante pour m'amuser. Il n'y a rien de professionnel là-dedans. Je prétends pas chanter d'une manière parfaite. Pour moi, c'est un loisir. Donc, ça se peut que je fausse, ça se peut qu'il manque d'ajustement à certaines places. Mais je fais ça pour m'amuser. Et puis, présentement, on est dans la période du temps des fêtes. Puis en même temps, ben, ça vous permet de découvrir un autre aspect de ma personne, dans le sens que je ne suis pas juste quelqu'un qui va faire des entrevues avec des gens pour parler de conscience ou des enregistrements, ou ce que je parle de conscience en solo. Bien entendu, j'ai une vie au-delà de ça. Et dans mes loisirs, j'aime une fois de temps en temps chanter en bénéficiant de YouTube, surtout que c'est gratuit. De la possibilité de faire des chansons en karaoké où on est accompagné par de la musique d'arrière-plan et on voit les paroles de chansons apparaître à l'écran. Donc, c'est agréable, surtout que c'est gratuit à l'époque actuelle. Pourquoi pas en profiter? Donc, maintenant, je vais laisser place à la musique et vous pourrez juger par vous-même si, en effet, j'ai une voix qui ressemble à celle du chanteur des Smashing Pumpkins. Donc, bonne écoute et à bientôt! Time is never time at all. You can never ever leave without leaving a piece of you. And our lives will forever change. We will never be the same. The more you change, the less you feel. Believe. Believe in me. Believe that life can change, that you're not stuck in vain. We're not the same, we're different. Tonight. So bright tonight. And you know you're never sure, but you're sure you could be right if you held yourself up to the light. And the embers never fade in your city by the lake, the place where you were born. Believe in me. Believe. believe in the resolute urgency of now. And if you believe there's not a chance tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, so bright, tonight, tonight, we'll crucify the insincere tonight, tonight. We'll make things right, we'll feel it all tonight, tonight. We'll find a way to offer up tonight, tonight. The incredible moments of your life, tonight. The impossible is possible tonight, tonight. Believe in me as I believe in you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. The world is a vampire, sent to train secret destroyers. Hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed desires and a piece of the game. Even though I know, I suppose I'll show all my cool and cold, like old Joe. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. And someone will say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Now I'm naked, nothing but an animal. But can you fake it with just one more show? And what do you want? I want to change. And what do you got when you feel the same? Even though I know, I suppose I'll show all my cool and cold like old John. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Then someone will say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Tell me I am the only one. Tell me there's no other one. Jesus was the only son. Tell me I am the chosen one. Jesus was the only son for you. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. And someone will say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Despite all my rage, I'm still just a rat in a